Bonjour à tous. Donc, moi je travaille plutôt sur la musique classique de l'Inde du Nord ou la musique dite hindoustanie. Pour faire très rapidement, si vous me permettez, pour régler son compte à la question du copyright en tant que catégorie administrative et légale tout de suite, dans la musique hindoustanie, le copyright n'a de sens que par rapport à l'enregistrement. Donc par rapport au format, au disque, au fichier son, par rapport au DVD. Donc la musique elle-même est sujet éventuellement à d'autres notions de propriété qui ne sont pas des notions administratives et que je vais essayer de développer aujourd'hui à travers la notion de compositeur et la notion de composition. Donc la tradition classique de l'Inde du Nord est bien connue pour être une musique largement improvisée dans le cadre d'une structure mélodique, le rag ou le raga, et d'un cycle rythmique éventuellement, le tal. Et étant de transmission orale, elle comporte un grand nombre, bien qu'étant de transmission orale, elle comporte un grand nombre d'écrits qui sont soit théoriques, soit des recueils. Donc, peut-on questionner la musique hindoustanie à partir des catégories de composition et de compositeurs, et de leurs équivalents les plus proches dans les théories et les pratiques discursives en Inde du Nord? On peut repérer trois termes qui sont usuellement traduits par composition et qui comportent chacun des nuances assez importantes. Je vais rapidement les présenter. Selon les musicologues, le terme bandish désigne une composition qui est bien formée et qui serait soit appartenant à la musique vocale, soit appartenant à la musique instrumentale. Le terme est utilisé de façon très très large par les musiciens pour désigner une composition de musique vocale, qu'elle soit bien formée ou non. Le terme cheese, lui, va se concentrer directement sur la musique vocale, toutes les compositions de musique vocale. Et enfin, sa sorte de contrepartie, le terme gat, va lui indiquer les compositions qui sont faites exclusivement pour la musique instrumentale et qui sont souvent construites sur des schémas rythmiques préstructurés qui sont en fait des reproductions des patterns, des motifs de jeu du plectre sur les instruments à cordes pincées. Quel que soit le vocable utilisé, et ici je traiterai vraiment plutôt de la musique vocale, une composition en musique hindoustanie est structurée en 2 à 4 phrases mélodico-rythmiques et un poème lyrique qui est éventuellement apposé. Elles sont associées donc au rag et au tal, et une bonne composition a pour qualité principale de présenter de manière condensée les caractéristiques principales du rag. Et donc de présenter ces caractéristiques qui peuvent être les mouvements mélodiques qui lui sont associés, le poids de certains degrés, les sentiments qui sont associés aussi à ce rag. Donc vous me permettrez d'utiliser l'expression bandish, qui est l'expression la plus couramment employée, au lieu du terme de composition. Je n'ai pas vraiment envie de porter tout ce que ça implique dans son acception occidentale. Donc le bandish n'est pas présent sous la forme d'un enchaînement de phrases dans la perf musicale. Donc on n'enchaîne pas en fait chaque phrase du bandish de façon continue. Il n'y a pas de temporalité. Et vous m'excuserez, mon papier est un... est un capharnaüm. Et donc chacune des parties la composant peut être présentée dans la performance au gré du musicien. Je m'explique. Dans les formes musicales qu'on considérait comme les plus classiques, la composition est utilisée comme un matériau qu'on va pouvoir modeler, qu'on va pouvoir découper, segmenter, reprendre en différentes parties et le réagencer au gré de l'improvisation. Donc on n'est pas sur une idée de continuité de la composition. Et finalement, on réagence ce matériau dans une perspective de sublimation et du contenu littéraire de la composition, donc du poème, et dans la sublimation de la structure mélodique, donc du rag. On associe en fait ces deux aspects. Par concomitance, le bandish, la composition, donc, se présente comme un espèce d'ancrage mélodique et temporel pour construire l'improvisation chez le musicien. Et cela s'exprime en particulier dans la forme kriyal, qui est une forme de chant classique, et dont je vais vous présenter un tout petit extrait pour qu'on voit à peu près de quoi on parle. J'ai sélectionné un extrait d'un enregistrement de la chanteuse Koshiki Deshikan, qui a fait cet enregistrement en 2003. Elle avait alors que 23 ans, vous pourrez apprécier la façon dont elle chante, et s'est déroulé au Queen Theatre à Londres. Il s'agit de ce qu'on appelle un chota kriyal, c'est-à-dire un petit kriyal, c'est-à-dire une composition qui est fixée sur un cycle rythmique de tempo assez rapide. La première partie de la composition, c'est une composition en 2 parties. La première partie donne les, je vais vous donner les paroles suivantes. Kaheman kuro sekiri ab, bahot din ne pare piyagareao, wahim nao dir daro. Ce qu'on peut traduire par pourquoi deviens-tu si émotionnel, après tout ce temps ton aimé est revenu à la maison, sois patiente et fais-toi cette idée. Donc on a trois vers qui vont être présentés de façon non continue et je vais vous faire écouter tout de suite pour vous donner une idée. Premier vers. Au premier vers. Le premier vers de cette première partie de la composition va constituer en fait un motif sur lequel elle va perpétuellement revenir et sur lequel elle va construire vraiment ses improvisations. Je ne sais pas si vous avez bien entendu clairement, les deux autres vers sont répétés chacun une fois et avec assez peu de variations mélodiques. Je vais vous montrer une deuxième partie, un petit peu plus tard dans le chant, où en fait, elle développe toutes ces questions d'improvisation autour du premier vers et de voir un petit peu comment se construit cet ancrage mélodique et temporel. Donc là, elle utilise même le premier mot de la composition qui part sur le 12e temps du cycle de 16 temps. Et donc elle prend ce premier mot, mais elle improvise sur les derniers mots du vers pour ensuite s'arrêter sur les premiers mots. Donc on n'est même pas dans une continuité du vers. Il y a plusieurs niveaux de segmentation. Le troisième extrait que je voulais vous faire écouter, c'est en fait la deuxième partie de la composition qui intervient beaucoup plus tard, qui intervient au bout de 10 minutes, où il y a déjà deux tiers de la pièce qui est passée. Et les paroles donnent ainsi « Gand mal se ang se jao, chand dang se gaeri jao, pit mako ab prit karo » qui veulent dire « Orne-toi de fraîches guirlandes de fleurs, réjouis-le avec rythme et musique, chéri ton aimé ou ton être aimé. » Donc ici, on va avoir aussi un déroulement un peu plus chronologique, mais avec un jeu beaucoup plus dans le registre aigu et des tenues de notes assez longues. Donc, premier vers. Deuxième vers. Troisième vers. Retour au premier vers de la première section. Donc, pour qu'on parle un peu tous de la même chose, je pense que maintenant vous situez un petit peu mieux quel est le rôle de cette composition. Elle est utilisée, en particulier donc ce premier vers est utilisé à plein de moments. Cela dépend aussi des styles des chanteurs. Cette chanteuse, en tout cas dans cette performance, va vraiment mettre l'emphase sur le texte et va vraiment l'utiliser à chaque moment de la composition, à chaque moment de sa prestation pour les improvisations. On va avoir des chanteurs qui vont pouvoir aussi utiliser des onomatopées, des improvisations sur des jeux de voyelles, etc. Donc, quelle est la place de ce bandish dans les pratiques et les discours des musiciens et des musicologues ? La position apparemment majoritaire tend à valoriser son importance dans la présentation du rag, tout en le considérant comme un objet musical autonome et précieux. L'enseignement de la musique hindoustanie, en particulier dans les institutions, va vraiment se baser sur la transmission de ces compositions, qui sont aussi un peu considérées comme des moyens mnémotechniques pour apprendre toutes les caractéristiques centrales dans un rag. Certains de ces bandits sont très convoités et un musicien confirmé peut choisir de devenir le disciple d'une personne connue pour en connaître de précieux, une personne réputée pour en connaître de précieux. Et ce dernier musicien ne va pas toujours être d'ailleurs très à même à transmettre ses compositions, qui peuvent être vraiment conçues d'une façon assez privée. Une seconde position tenue par certains musicologues tente à simplement considérer ces bandiches comme un accessoire musical secondaire. Leur valorisation par des musiciens peut même être perçue comme problématique, se faisant, selon eux, aux dépens de la musique. L'idée sous-jacente qu'on a ici, c'est une conception de la musique comme son pur, le texte venant d'un autre domaine, le domaine de la littérature. Ce type de posture pourrait être relativement récente, du moins sous cette forme, et une hypothèse qui me semble assez vraisemblable, bien qu'elle serait à confirmer, serait de relier ces discours au moment où il y a eu tout un échange entre les musicologues orientalistes, les musicologues occidentaux et les musicologues indiens au XIXe siècle. Et il y a eu tout un débat sur ce que c'était que la musique classique et comment les musiques de cour indiennes pouvaient acquérir le statut de musique classique. Et la question du son pur est souvent associée à ces débats-là. On pourrait éventuellement, et là je mets vraiment éventuellement en gras, mettre cela en parallèle avec les principes de la musique comme langage absolu qui se développe au XIXe siècle en Occident. Je pense que ça serait assez intéressant de voir que ces musicologues orientalistes étaient d'abord des musicologues formés à la musique classique occidentale et que dans un débat où ils étaient en position dominante avaient aussi les termes du débat et les termes de définition de leur côté. Une réflexion logique et qui ne serait pas dénuée d'un certain ethnocentrisme tendrait à chercher derrière les compositions les compositeurs. Une nouvelle fois, la traduction se révèle bien une trahison, car tout bandiche en musique hindoustanie n'a pas forcément d'auteur connu. Ceux attribués à un musicien, surtout si celui-ci est né il y a plusieurs siècles, sont très difficilement certifiables et peuvent s'inscrire dans le cadre de reconstructions associées à des questions de prestige, passant souvent par l'élaboration de généalogies de lignées de musiciens. Malgré ce premier constat, il existe dans les littératures en sanskrit, la littérature musicologique indienne, une figure du compositeur. En fait, il y a trois figures du compositeur que je vais très vite vous décrire. Là, je vais citer en fait, un texte du XIIIe siècle qui s'appelle le Sangeet Ratnakara, qui est un texte encore utilisé en référence, malgré que ce qu'il décrit est très détaché de la réalité actuelle, mais dont les terminologies sont encore utilisées de nos jours dans les institutions en particulier, d'enseignement. Donc on voit trois figures de compositeurs, le Matukar, celui qui fait le Matu, c'est-à-dire celui qui compose le poème lyrique, le Dhatukar, celui qui fait le Dhatu, celui qui compose la partie mélodique, et enfin le Vagaikar, celui qui fait chanter la voix, pour utiliser une traduction littérale, et donc qui maîtrise ces deux processus de composition. Et ce Vagaikar est également un musicien lui-même, c'est quelqu'un qui doit posséder une bonne qualité de voix. Les traités sanskrits sont construits de façon telle qu'en fait ce sont des traités prescriptifs, où on va décrire une figure, le compositeur, et on va lui donner toutes les caractéristiques qu'il doit avoir pour être un bon compositeur. Donc ce compositeur est un musicien pratiquant, et on peut dire que la figure du Vagaikar a traversé les siècles, on a des compositeurs musiciens tout au long de l'histoire de la musique hindoustanie, mais on n'a pas forcément gardé ce terme tel quel. Combien il reste de temps? Pardon. Il reste 5 minutes. D'accord. Je vais très rapidement passer sur un autre aspect des enjeux de ces compositions et du statut de ces compositions. C'est celui des répertoires et de la formation en fait, des collectes, des corpus. C'est-à-dire que les compositions antérieures à l'apparition de l'enregistrement sur cylindre ont été transmises soit par le biais de la tradition orale, soit par le biais de recueils. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a décidé de fixer, de réunir un corpus de compositions orales et de les fixer à l'écrit, souvent avec des politiques de patronage très très particulières. Je voulais juste vous montrer un exemple, ça me semble, enfin, c'est écrit, c'est en hindi, donc bon, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment on peut regarder ça. Au début du XXe siècle, il y a un musicologue et réformateur qui s'appelle Bhat Kande qui décide de classer les rags en famille, ce qui se faisait déjà avant, mais d'instaurer une espèce de classification scientifique. Il a une vision assez séculariste de la musique et de la nation, c'est un nationaliste, et il souhaite donc classer tous les rags existants et en donner les compositions de référence. Et pour cela, il va voir l'ensemble des musiciens en Inde du Nord et en Inde du Sud pour construire tout un canevas qui est actuellement la référence dans la plupart des institutions de transmission de la musique hindoustanie. Donc il y a une importance extrêmement importante aujourd'hui. Donc, juste pour faire très vite, on a ici une composition pour le rag d'Anashri, qui va au début de la page, de la deuxième page. Les barres verticales permettent de délimiter les sections du cycle rythmique. On est sur un cycle en total, c'est-à-dire de 12 temps qui est divisé en 6 x 2. Et la première, on marche par groupe de 3 lignes. La première ligne donne les hauteurs, c'est-à-dire sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, qui sera l'équivalent de notre sol, fa. La deuxième ligne donne les syllabes, en fait le poème qui y est associé, et la troisième ligne donne les indications de la structure du cycle rythmique. Ce qui est intéressant, bon, ce que vous ne pouvez pas forcément voir ici, là on a la première partie, le stai, et la deuxième partie, l'antara, comme on a écouté tout à l'heure, les deux parties de la composition. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ne figurent pas les noms des auteurs. C'est-à-dire que Il a fait ce choix de ne pas indiquer qui étaient les compositeurs, qu'il le sache ou pas, mais en tout cas, à des moments, il y a souvent des compositeurs certifiés. Ce sont des compositions qu'il a recueillies auprès de musiciens qui, eux, avaient probablement des discours sur qui était à l'origine de ces compositions. Mais il y a aussi un autre aspect sur lequel je vais très vite passer, c'est que ces compositions, en particulier les compositions vocales, ont des thématiques religieuses ou beaucoup moins religieuses, et qu'actuellement, dans des processus de reconstruction du sens de ces musiques, dans un canevas beaucoup plus dévotionnel et beaucoup plus religieux, on a tendance à mettre de côté une grande partie des corpus de poèmes et de poèmes chantés, pour se focaliser uniquement sur ceux qui traitent du rapport au divin, de façon la plus explicite. Donc les bandits sont également, comme on le voit dans cette toute petite dernière idée, porteurs d'une valeur qui n'est pas que musicale ou littéraire, mais relative aux musiciens auxquels elles sont attribuées. Sur scène, au moment de commencer la composition, le musicien peut en citer l'auteur, en particulier s'il s'agit de son maître, d'un membre de sa lignée musicale ou encore d'une figure mythique. Ainsi, le nombre de bandiches qui est attribué à Tansen, le célèbre musicien de la cour d'Akbar, est d'un nombre complètement faramineux, et il est tout à fait raisonnable de penser qu'il n'a pas écrit la plupart de ses compositions lui-même. Et c'est là que notre question du copyright intervient, en fait, de façon un petit peu détournée. Car dans ses compositions, le nom du compositeur, du Vagaïkar, il est indiqué, souvent, il fait partie des deux dernières lignes du poème. Ce nom peut aussi indiquer en fait le patron pour lequel il a été composé ou la divinité en dévotion de laquelle on l'a composé. Mais ce nom peut évidemment être remplacé au fil du temps. La tradition orale se prétend bien évidemment à la renégociation de son contenu au fil des années. D'accord. Et un grand nombre des bandits attribués à Tansen, pour reparler de ce musicien, le sont parce que le nom du musicien, dès son vivant, était très célèbre et que, évidemment, il est tout à fait intéressant de pouvoir apposer son nom à certaines compositions pour en augmenter la valeur. Mais c'est finalement dans la performance, j'ai essayé de conclure maintenant, que dans la performance dans son ensemble que se définit la figure du musicien. Finalement, la figure du Vagaïkar, du compositeur, elle est assez volatile. Tansen, pour revenir une dernière fois sur ce personnage-là, est surtout connu pour avoir, en chantant le rag du feu, allumé des bougies, pas pour avoir composé des compositions. La légende ne le retient pas comme compositeur. La légende le retient comme musicien merveilleux, comme musicien de scène. Donc, un musicien hindoustani au sens contemporain est avant tout un maître de scène, un improvisateur synthétisant un ensemble de matériaux et de savoirs et sa propre sensibilité dans une réalisation qui se veut unique. Et les bandiches qu'il présente font donc partie de ce matériau musical, comme on l'a vu. Mais l'idée de singularité de chaque performance s'oppose cependant à une tendance croissante à standardiser les prestations, tendance encouragée par les longues tournées dont s'acquittent les musiciens de premier plan, ainsi que par les standards techniques de plus en plus élevés. Le format du compact disque ainsi que les créneaux de festival qui correspondent également à ce format de 60 minutes tendent également à participer à cette standardisation. Peut-être finalement est-ce là que réside cette composition qu'on cherche depuis le début finalement. C'est dans un sens plus propre, plus proche de l'acception occidentale dans ce cas, ce phénomène de pré-composition qui serait poussé à l'extrême et pour reprendre le terme de John Bailey qui pourrait être considéré comme une improvisation de routine, dans la traduction qu'en fait Jean Düring. Mais donc ce phénomène généralisé finit par produire des prestations réglées à l'ornement près, qui finit peut-être par produire des compositions. Donc c'est là-dessus que je terminerai. Merci.